Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous allons finir Futur Simple avec un plongeon dans le temps à la rencontre des coquettes du passé qui portaient des bijoux en or. En fait, je ne devrais peut-être pas dire coquettes car ces bijoux, après tout, appartenaient peut-être plus à des hommes qu'à des femmes de la préhistoire. Et c'est évidemment Marie-Claude Dionne qui nous propose cette promenade archéologique. Bonjour Marie-Claude. Oui, alors on apprenait la semaine dernière qu'une équipe d'archéologues de Bulgarie ont trouvé un bijou en or. C'est le premier à ce jour sur ce très vieux site qui est qualifié du plus vieux village préhistorique d'Europe. En fait, il date d'il y a 6300 ans, donc c'est assez vieux. Et le site en question se nomme Solnisata. Mm-hmm. Et le petit objet découvert lors des fouilles fait à peu près 24 carats et il fait à peine 1 cm. Donc, c'est vraiment un tout petit objet, un tout petit bijou. En fait, le bijou ressemble davantage à un joli bouton, mais puisque c'est le seul exemplaire pour l'instant, on peut pas vraiment être entièrement certain de son utilisation ornementale. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je vous parlerai de l'or favori et plus particulièrement des bijoux préhistoriques. Alors, tout d'abord, est-ce que l'or était un matériau souvent utilisé à la préhistoire? Oui, plus qu'on pourrait le croire. En fait, on en trouve partout en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique lors des périodes très anciennes. Et c'est sans grande surprise que je vais vous dire que les vestiges archéologiques en or sont peu abondants. Même si l'or n'est pas un matériau périssable, donc c'est un matériau qui va se conserver très longtemps, il reste rare sur les chantiers de fouilles. L'or fut à travers le temps maintes et maintes fois récupéré, retravaillé et réutilisé, mm-hmm. de sorte que aujourd'hui, si on en trouverait, il serait probablement méconnaissable, donc sous une autre forme. Et je peux vous donner un exemple. En temps de guerre, il se pourrait très bien qu'un candélabre en or ait été fondu pour en faire des balles pour les fusils. Oui, on comprend ça. Oui, et dans une certaine mesure, c'est peut-être ce qui s'est passé avec la statuaire romaine, car les statues ont longtemps été faites à partir de bronze, mais très peu nous sont parvenues aujourd'hui. Par contre, il va sans dire que la fonte des statues romaines pour le matériau n'a pas servi à faire des balles. Quand on en retrouve, l'or se représente sous diverses formes. Ça peut être autant des figurines que de la monnaie, que des objets d'apparat, comme des couronnes ou des sceptres. Des objets, par contre, qui sont la majeure partie du temps liés à une cérémonie, et c'est pas des objets qui sont utilisés, en fait, quotidiennement. Alors, revenons-en à ce bijou de Solnisata. Est-ce que c'est le seul objet exemplaire et est-ce que les bijoux en or sont communs à l'époque? Oui, oui, même si c'est le seul exemplaire à Solnisata, on va en retrouver quand même beaucoup, en très grande quantité. On peut en avoir autant dans des formes comme des colliers, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et j'en passe. Et les plus beaux bijoux, à mon sens, sont ceux qui ont été trouvés dans le cimetière royal d'Ur. Et Ur, je le rappelle, est l'une des plus grandes et plus importantes villes de Mésopotamie antique. Elle se retrouve à Bagdad, en Irak. Et on retrouve à Ur plus de 1800 sépultures qui date entre 2600 et 2300 ans avant Jésus-Christ. Et l'élément le plus spectaculaire est l'ensemble des 17 tombes qui sont qualifiées de royales en raison de leur architecture d'une part, mais aussi de leur riche matériel funéraire et surtout des dizaines et des dizaines de morts qui accompagnaient chaque défunt. C'est une pratique qui est non attestée en dehors de la Mésopotamie. Donc, c'est assez extraordinaire comme fait. Et les tombes royales d'Ur ont livré des objets d'une très belle facture qui témoignent d'une grande maîtrise des artisans sumériens de l'époque, notamment ce qui concerne la métallurgie et l'orfèvrerie. Et on retrouve une reine, la reine Pouabi, qui est bien pourvue de ce côté-là. En fait, on a trouvé à côté de son corps une coiffe, un genre de diadème qui était orné de plusieurs feuilles d'or et de pierres précieuses. On avait de nombreux colliers et de poitrails en or et aussi des ceintures dorées agrémentées de pierres précieuses comme le lapis, lazuli et la cornaline. Et le tout est assez impressionnant. J'imagine, oui. Oui. Dans le cas de Solnisata, les trouvailles sont certainement moins spectaculaires, mais demeurent très intéressantes, surtout pour cette époque qui était quand même assez ancienne. Puis bien souvent en archéologie, on cherche un sens aux objets trouvés pour comprendre un petit peu le contexte de l'époque. Donc dans le cadre de ces parures, de ces objets de parure, de ces bijoux, quels indices ils apportent? Tout d'abord, les bijoux sont des manifestations du statut social. Donc le plan, ce qu'on retrouve, disons, dans les tombes dures, vont indiquer que la personne ou les personnes qui étaient à l'intérieur de la tombe proviennent d'un haut rang. Mm-hmm. Il faut comprendre qu'à une époque si reculée, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient avoir en sa possession de tels objets, des objets d'une telle richesse. Ben même aujourd'hui, je pense. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à Ur, seulement qu'une poignée des tombes qu'on a découvertes étaient richement approvisionnées de ce type d'objets, parce que la grande partie des autres sépultures contenaient à peine des objets en céramique, mm-hmm. qui sont certainement moins chers à produire et donc plus communes. Et alors, des objets si richement décorés, faits à partir de matériaux souvent de l'extérieur de la localité et qui demandaient un apprentissage technique que peu avaient, ne pouvaient qu'être acquis par des gens qui étaient riches et influents. Mais justement, donc, si les matériaux proviennent de localités lointaines, est-ce qu'ils attestent pas de l'étendue du commerce, quand même, qu'il y avait déjà à cette époque? Oui, oui, tout à fait. L'exemple, en fait, à Pendleton, en Angleterre, on a retrouvé une perle faite d'une mince feuille d'or qui s'y prête bien. En fait, c'est que la perle, elle est peu commune en Angleterre et elle a été trouvée dans un contexte chalcolithique ou de l'âge du bronze qui correspond aux environs de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et pour nous situer, on est près de la mer du nord de Manchester, près de la mer d'Irlande. Et comme je viens de le mentionner, ce type de perle est rare en Grande-Bretagne, mais elle est par contre très manifeste de l'autre côté de la Manche, du côté des régions atlantiques de la France et aussi sur la péninsule ibérique. Ouais. Et en plus, on a fait une analyse de spectrométrie de masse qui indique que la concentration de platine est assez élevée pour l'objet en or. Et c'est un taux qui va se rapprocher beaucoup plus de ceux qu'on peut retrouver en France que ceux qu'on retrouve en Grande-Bretagne ou en Angleterre. Et c'est donc pour dire que les gens de Pennington avaient créé un large réseau d'échanges et de commerce avec certains peuples d'outre-Manche, et ce, assez tôt dans le passé. Et donc, au final, ces bijoux sont des manifestations aussi d'une connaissance technique, d'une maîtrise du matériau qui est quand même assez approfondie. Approfondie et assez rapide dans le temps aussi. Et c'est assez, assez incroyable comme la coiffe de la reine Pouabi. Mais si on se réfère à d'autres objets qui ont été trouvés à Ur, on a des casques perruques qui ont été trouvés dans des tombes royales et il est, pour l'époque, un joli exemple de la patience des orfèvres qui travaillent l'or. C'est sûr que le matériau, l'or est très malléable et donc il peut être martelé pour donner la forme voulue. Mais le cas du casque perruque, qui était probablement porté lors des grandes batailles, va démontrer un vrai grand travail de moine. Parce qu'il présente d'une façon assez réaliste la chevelure, ainsi qu'une tresse aussi, et on va voir les oreilles. Donc, c'est un talent, en fait, ça démontre le talent à l'époque, qui est très, très réel et évident. Et où est-ce qu'on trouve, finalement, ces objets, la plupart du temps? Mais le lieu le plus commun, c'est les sépultures. Ouais. C'est un genre d'entreposage pour les gens. Pour l'éternité aussi, on laisse à côté l'objet pour à côté servir, de la personne. Exactement, pour servir les défunts dans l'au-delà. Et bon, le meilleur exemple reste encore les tombes royales d'Urle, avec plein d'objets, autant cérémoniels que pour la vie commune. Mais près de notre site de Solnisata, il y a quelques années, on a trouvé un cimetière qui date d'à peu près la même période et c'est le site de Varna. Et là-bas, on a trouvé 18 sépultures et elles contenaient en tout et partout 222 objets en or. C'est beaucoup. C'est énorme. Et le nombre, d'ailleurs, d'objets appartenant à un homme était sans précédent. Et là, par le nombre d'objets, je parle vraiment de bijoux. Souvent, on le disait tantôt en début, les objets, souvent les bijoux, on va les rattacher à la femme. Mais là, le cas présent, c'est vraiment l'homme qui était très garni de ce côté-là. Il avait 3 colliers, 3 gros bracelets pour chaque bras, 2 boucles d'oreilles et plusieurs plaques en or qui servaient fort probablement à décorer ses vêtements. Ça devait finir par peser lourd quand même. Probablement, oui. Et dans le cas du bijou qui est non identifié encore à ce jour de Solnisata ou de la perle de Pendleton, les archéologues ont trouvé les objets, disons, fortuitement, sur des aires de passage. Et donc, on peut croire que ces deux objets ont tombé, peut-être, de leur propriétaire, ou voire même qu'ils ont été jetés intentionnellement par terre parce qu'ils étaient brisés. Mm-hmm. Alors, tout est possible après tout. Mm-hmm. Et au-delà de leur apparente beauté, les bijoux, qu'ils soient en or ou en pierres précieuses, sont le témoin d'une panoplie de renseignements sur les cultures qui les ont fabriqués. Comme quoi, tout vaut la peine d'être étudié et regardé à la loupe. Oui, puis alors à ce moment-là, bonne chance aux archéologues du futur pour décortiquer notre culture à partir de nos bijoux actuels. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.